voir ce monde de ouf et ses vices, ses rues plein de keufs et plein de pisse. Et mes frères se tuent à la 8-6. Je peux plus voir tout ce bitume, ce quotidien, cette routine, les entreprises, les usines et leurs courses à l'oseille. Je peux plus voir mes potes enchaînés, travaillant la chaîne, fumant la résine pour ne pas finir à l'asile. Je peux plus voir ce monde courir après une carrière, ces mecs furieux qui ont rien à côté de ça, ces putains fourrures. Cette spirale infernale, la pyramide sociale, les gens qui la dégringolent, je t'assure que ça, ça fait mal. Je peux plus voir tout ce matériel, tout superficiel. Je peux plus regarder la télé, ces connards qui tirent les ficelles. Je peux plus voir toute cette merde, l'industrie de la mode, les restaurations rapides, les voies rapides et leurs bolides. Je peux plus voir ce monde de malades, les briques et le béton, le taf et ses moutons, les politiques et leurs mythos. Je peux plus voir toute cette colère, les sœurs sur les trottoirs, les frères qui galèrent et ces enculés au pouvoir. Je peux plus voir toute cette pollution, toute cette course au pognon, l'argent et sa suprématie, la société de consommation. Je peux plus voir les dépôts de bilan, les mecs qui dealent des kilos, mis en prison par les pires des brigands. Que mais, je peux plus voir les camés, les traites, les skins, les jaloux. En même temps, ça fait des années que je peux plus les voir, ces gens-là. Je peux plus voir ce pays pourra, vendeur d'espoir, liberté, égalité, fraternité, ça, ça reste qu'un beau rêve. Je peux plus voir ma génération, les trois quarts parents sucettes, plus de réflexion, se remplissent le zen, ouais, c'est à la CC. Je peux plus voir toute cette violence, les patates et les coups de pompe, les stars et leurs coups de pub, les traîtres et leurs coups de pute. Je peux plus voir toutes ces guerres, ces armes et ces militaires. Je peux plus sentir la ville, ses odeurs, dégoûtées de moteur. Je peux plus écouter ces vendeurs, menteurs et voleurs. Je veux plus entendre les cris des gens d'en bas qui ont les crocs. Je peux plus voir toutes ces poubelles dégueulant la consommation de mes frères dans la consommation de feuilles slim et de bouteilles. Je veux plus les voir perdre la raison, dire qu'ils sont pas taille face à la ville, les cheveux en bataille et la beubare mal rasée. Cette jungle et de ces animaux, les picous et les canettes vides, les capotes et les garetti flottant dans les caniveaux. Je peux plus voir tout ce fascisme, tous ces délits de faciès. Je peux plus voir tout ce racisme, puis entendre parler du nazisme ni du FN. Je peux plus voir leurs conneries à la télé, le JT, les téléréalités, leurs zics de brin sur les ondes FM. Je veux plus voir, je peux plus voir. J'écris pas ça pour te faire blaser, mais pour t'ouvrir les yeux. Alors fais le bien autour de toi, si tout le monde y met du sien, bah le monde se portera mieux.